بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلاً وسهلاً ومرحباً بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله. Donc nous allons poursuivre notre série de cours intitulée sur le chemin de la Hijra. Et lors des deux cours précédents, nous avons traité d'un sujet très important qui est les causes pour faire la hijra. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons évoquer un sujet tout aussi important qui n'est d'autre que le rôle des parents dans la hijra. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de mentionner un point essentiel qui est en lien direct avec le thème du cours d'aujourd'hui. Et ce sujet, ikhwani fillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous, ce sujet est l'importance pour les parents de faire les bons choix pour leurs enfants. En effet, il est obligatoire pour les parents de faire les bons choix pour leurs enfants. Surtout que les choix des parents et les décisions qu'ils prennent pour leurs enfants ont un très grand impact sur le futur de leurs enfants. Aujourd'hui, malheureusement, nous remarquons qu'il y a de grosses lacunes dans ce sujet. Certains parents n'hésitent pas à faire de très mauvais choix pour leurs enfants. Et ces choix peuvent être parfois une cause directe de leur égarement. Et il n'y a pas de doute que ces parents devront rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont failli à leur obligation qui est de se conformer au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble des sujets et notamment dans l'éducation de leurs enfants. Malheureusement, parfois nous voyons des parents sur la sunna, alhamdulillah, ils sont assidus à la prière obligatoire, et même les prières obligatoires et même les prières surérogatoires. Il est de même pour le jeûne. Ils sont aussi sur la croyance des gens de la Sunna. Et tout le mérite dans cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran à propos des gens du paradis, il dit « وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ » Et ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait guidés. » Et donc ses parents, par la grâce d'Allah, se conforment au Coran et à la Sunna dans les sujets mentionnés précédemment et font preuve d'une certaine fermeté. Par contre, nous ne voyons pas forcément cette fermeté dans l'éducation de leurs enfants. Ils font plutôt preuve d'un laxisme notoire. Ils font des choix pour leurs enfants sans même regarder si cela est permis ou non. Ou bien parfois, ils savent que leur décision n'est pas bonne, mais ils vont te dire « je n'ai pas le choix ». Ou bien « il faut que les enfants profitent et s'épanouissent ». Ou encore, comme on l'entend souvent, « ce choix est le moindre mal ». Et ces mauvais choix, ont souvent des conséquences désastreuses. Et ce genre d'agissement est contraire à la voie des salafus salih. Ce genre d'agissement est contraire à la voie des pieux prédécesseurs. En effet, les pieux prédécesseurs faisaient les bons choix pour leurs enfants et ils prenaient les meilleures décisions. Et ces décisions ont eu un impact considérable sur le futur de leurs enfants. Certaines mères, qu'Allah leur fasse miséricorde, envoyaient leurs enfants étudier la science auprès des savants, et cela dès leur plus jeune âge. Et certaines d'entre elles n'hésitaient pas à vendre leurs effets personnels, tels que leurs bijoux, pour permettre à leurs enfants d'y parvenir, comme cela l'a été rapporté. Quelles furent les conséquences de ce choix selon vous? La réponse, beaucoup de ces enfants sont devenus des savants par la suite. Et nous avons la personne de Ummu Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, radiallahu anh, qu'Allah l'agré, un excellent modèle. Car Ummu Sulaym, qu'Allah l'agré, à la voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander si elle pouvait lui confier Anas, et que Anas radiallahu an allait être son servant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et Anas devint alors le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le choix d'Ummu Sulaym radiallahu anha eut un impact considérable sur la vie de Anas. Car il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était proche de lui. Il a pu observer pas mal de choses et apprendre à ses côtés. Il a rapporté beaucoup de hadith, jusqu'à faire partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même invoqué en sa faveur. Et l'une des causes à tout cela, c'est le choix de sa mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Et parmi les bons choix que les parents doivent faire pour leurs enfants, il y a le fait de faire la hijra. Car la hijra, ikhwani fillah, est une sécurité. Une sécurité pour les parents et une sécurité pour les enfants. Alors que rester en terre de mécréance est un danger. Car cet environnement n'est pas propice à l'éducation de nos enfants. Il faut donc les écarter de ces terres. Surtout que se préserver, ainsi que préserver nos enfants, est une obligation pour tout parent. Il faut donc que chaque parent fasse les causes pour préserver ses enfants des troubles. Et ne soyons pas de ceux qui exposent leurs enfants aux troubles. Et puis lorsque tu les conseilles, ils te disent « C'est Allah qui préserve ». Ou encore ils vont te dire « Les prophètes vivaient parmi les mécréants. Malgré cela, Allah les a préservés. » Et ce genre de paroles sont certes d'un point de vue vrai, mais ils ne sont pas utilisés à bon escient. Car ces gens-là ne font pas les causes suffisantes et nécessaires pour préserver leurs enfants. Comment peuvent-ils espérer par la suite que leurs enfants soient préservés? Et un célèbre poète arabe du nom de Abul Atahiyya disait dans un de ses vers de poésie qu'on peut utiliser dans ce genre de contexte, il disait تَرْجُ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ. Il disait, rahimahullah, tu espères la réussite, mais tu n'empruntes pas les voies qui y mènent. Certes, le bateau vogue, ne vogue pas sur ce qui est plat. Certes, le bateau ne vogue pas sur ce qui est plat. Le bateau, pour voguer, il a besoin d'eau, tout comme l'enfant, pour que son éducation soit bonne. Il a besoin d'un bon environnement, un environnement sain et propice à son éducation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et dans ce cours, nous allons mentionner certains points concernant le rôle des parents dans cette immense adoration. Et leur premier rôle dans la hijra, c'est de s'entraider. En effet, les époux doivent s'entraider dans l'accomplissement de cette adoration. Ils doivent être soudés et ne pas se diviser. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de s'entraider dans le bien. Il dit azza wa jal, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la désobéissance. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié le bien, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clarifié dans sa sunnah. Et donc si les époux reviennent au Coran et à la Sunna, ils connaîtront le bien sur lequel ils doivent s'entraider. Mais malheureusement, nous remarquons un manque d'entraide entre les époux dans la hijra. Et des fois, ceci est même une cause et une source de conflit. Parfois, l'homme est déterminé à faire la hijra, tandis que la femme refuse catégoriquement de partir. Et elle peut même aller jusqu'à menacer son mari de divorce. Et ceci est une chose regrettable. Car la hijra, ikhwani fillah, fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Il est donc obligatoire pour la femme de suivre son mari dans cela, et de ne pas suivre les pas du diable. Et parfois c'est l'inverse. Subhanallah. Parfois c'est la femme qui est déterminée à faire la hijra. Elle veut quitter les terres de mécréance, tandis que le mari refuse catégoriquement. Et ceci n'est pas normal. Il convient que les deux époux s'entraident dans cela. Et en cas de désaccord, qu'ils reviennent aux gens de science. Il est certes très étonnant de voir certains de nos frères revenir aux gens de science lorsqu'ils divergent avec leurs épouses dans des sujets secondaires, tandis que lorsqu'il y a des désaccords sur des sujets importants tels que la hijra, ils ne se donnent même pas la peine de questionner les gens de science. Et ceci est une erreur. Aussi, parmi le rôle des parents dans la hijra, le fait de faire aimer aux enfants les pays musulmans. Et ceci est valable pour ceux qui envisagent de faire la hijra et aussi pour ceux qui l'ont déjà fait. Et ceci est un point très important. Les parents qui veulent faire la hijra doivent inculquer à leurs enfants l'amour des pays musulmans. Ils doivent mettre les qualités de ces pays en avant et vanter leurs mérites, tout en leur expliquant que c'est dans ces pays-là que le musulman doit vivre et qu'il viendra un jour où lui aussi vivra dans ces pays-là. Certains parents, malheureusement, parlent mal des pays musulmans à leurs enfants. Et cela a comme conséquence qu'ils détestent ces pays. Et de ce fait, ils ne veulent pas y habiter. Il convient que nos enfants immensifient et aiment ces pays. Si les parents sont d'origine d'un pays musulman et qu'ils ont comme objectif de faire la hijra dans leur pays d'origine, il faut qu'ils parlent bien à leurs enfants de leur pays. Et ceci, Inch'Allah, aura des conséquences et des très bons résultats. Lorsque ce travail est fait de la part des parents, cela a un impact sur les enfants. J'ai parlé récemment avec un enfant qui a fait la hijra il y a quelques mois. Et lorsqu'il te parle du Maroc, Subhanallah, tu sens qu'il aime ce pays et qu'il s'y sent bien. Mais il apparaît aussi clairement que ses parents ont fait un travail pour cela. Et ceci est valable aussi pour les parents qui ne sont pas originaires d'un pays musulman. Il convient qu'ils parlent bien à leurs enfants des pays musulmans et qu'ils inculquent à leurs enfants l'amour de ces pays-là. Ceci est très important. Et ce travail continue même après avoir fait la hijra. Les parents doivent rappeler à leurs enfants les bienfaits de ces pays, les bienfaits des pays musulmans, et ne pas dire, comme le font certains, que telle chose est mieux en France, ou bien ici telle chose n'est pas comme en France. Car l'enfant va finir par comparer les choses de son quotidien en terre d'islam avec les choses de son quotidien en terre de mécréance. Et ceci n'est pas une bonne chose. Et donc il est impératif que les parents parlent bien de ces pays musulmans. Aujourd'hui, certains, wal'iyadhu billah, ils vont dénigrer les pays musulmans. Et cela devant leurs enfants. Et ceci, comme on l'a mentionné précédemment, aura des conséquences sur les enfants. Ils finiront parfois par détester ces pays, ou bien ils finiront par ne pas vouloir y résider, wal'iyadhu billah. Aussi, il convient aux parents d'expliquer aux enfants qu'est-ce que la hijra et pourquoi le musulman doit faire la hijra. Et ceci est important. Il ne suffit pas de dire à l'enfant, nous allons partir dans un endroit où il fait chaud, où il y a la mer, un endroit où tu pourras sortir, jouer, etc. Ceci n'est pas suffisant. Car lorsque cet enfant va se lasser d'aller à la plage, de jouer et du soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il voudra sûrement retourner en France ou en terre de mécréance. Mais plutôt, il convient aux parents d'expliquer à leurs enfants qu'est-ce que la hijra. De leur expliquer qu'est-ce que la hijra. Quel est le jugement de la hijra. Qu'est-ce que la personne encourt si elle délaisse la hijra. Et leur expliquer pourquoi le musulman doit faire la hijra. Car l'enfant, par la suite, s'il comprend cela, et que cette chose s'ancre en lui, il comprendra pourquoi il fait cette œuvre. Ce ne sera pas seulement un simple voyage, là où il fait chaud, là où la vie est peu coûteuse, mais plutôt, il comprendra que c'est une adoration et qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ses parents ne sont pas partis de la France vers l'Algérie, vers la Tunisie, vers la Mauritanie, vers l'Égypte pour le punir. Ou bien que ce n'est pas un rabaissement, mais plutôt pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur expliquer que si nous faisons la hijra, la cause à cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Et à partir du moment où nous sommes musulmans, nous devons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc expliquer cela à cet enfant. Dès le plus jeune âge. Et par Et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, cela aura un très bon résultat et de très bonnes conséquences, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ça, j'insiste sur ce point, c'est le rôle des parents. Les parents doivent expliquer à leurs enfants pourquoi nous devons quitter cette terre. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette terre? Et qu'est-ce qui nous attend dans ces pays comme bienfait et comme le fait d'extérioriser sa religion et beaucoup d'autres choses qui attendent la personne en terre d'islam. Aussi, il convient aux parents de s'empresser de faire la hijra. Et plus l'enfant partira de la France ou de la terre mécréante où il habite, plus il partira tôt et plus ça sera facile bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Car faire la hijra avec un enfant de 2 ans, de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans, un enfant en bas âge, n'est pas forcément comme faire la hijra avec un adolescent. Car l'adolescent a certaines habitudes. Et le fait de quitter ses amis, de quitter ses habitudes, ce n'est pas une chose qui est forcément facile pour certains de nos enfants et certains de nos adolescents. Et il n'y a pas de doute que l'enfant, lorsqu'il fait la hijra tôt, ceci est beaucoup plus facile. Et donc le fait que les parents prennent l'initiative de s'empresser de faire la hijra lorsque les enfants sont jeunes, ceci sera pour eux une facilité. Mais cela ne veut pas dire que si l'enfant atteint 15 ans, on ne doit pas faire la hijra, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. La chose que je veux dire, c'est que c'est plus facile de faire la hijra avec un enfant qui n'a pas encore certaines habitudes en terre de mécréance que de partir avec un adolescent qui a 16 ans, 18 ans et autres. Et donc, il n'y a pas de doute que partir avec un enfant qui est en bas âge, il n'y a pas de doute que cela est plus facile. Et donc, cette responsabilité-là et ce rôle revient aux parents. Et que les parents se rappellent la responsabilité qu'ils ont envers leurs enfants et qu'ils se rappellent qu'ils rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne leurs enfants. Et donc, s'ils ont, ou plutôt s'ils se rappellent de cela et qu'ils se remémorent de cela, ils feront certes le nécessaire pour faire la hijra et ils prendront ce rôle à cœur qui est le leur et ils endosseront bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala cette responsabilité. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la hijra pour ceux qui n'ont pas encore fait la hijra et de nous faciliter à nous maintenir dans les pays musulmans pour celui qui a déjà fait la hijra. Naam.